Bonjour tout le monde, bienvenue sur Radio Nos Cultures. Aujourd'hui c'est la pochette parce que c'est le premier jeudi du mois. Mais si vous nous avez un petit peu suivi, que ce soit à la radio ou sur internet, vous savez qu'il s'est passé un petit truc un petit peu spécial chez nous ce week-end. C'était le défi Badoum 48. Je vais vous expliquer un petit peu le concept. L'idée c'était que la radio proposait à des musiciens et des musiciennes de réaliser une chanson en 48 heures seulement avec un thème qu'on avait décidé et qu'on donnait évidemment en dernier moment. Ça s'est passé donc le week-end dernier du 1er au 3 mars. Le vendredi soir à 20h, on leur donnait le thème. Ils avaient jusqu'à 20h le dimanche soir pour nous rendre une chanson. 8 chansons. On a eu 8 chansons, ce qui est vraiment un beau début pour cette première de Badoum 48. C'était soit en basque, soit en occitan. Et le thème, c'était « Je suis le premier ou la première du plus long embouteillage du monde ». Certains ont trouvé ça difficile, d'autres ça les a inspirés tout de suite. Et on a eu 8 chansons très très différentes. Et alors aujourd'hui, je vous propose d'écouter ces 8 chansons. Je vais juste faire une petite présentation de chaque groupe. On va écouter la chanson. Pas d'analyse aujourd'hui. Ça sera pour la semaine prochaine dans une espèce de remodelage de la boîte à gants. Mais ça, on verra ça plus tard. Aujourd'hui, on va simplement s'écouter les 8 chansons. Et puis voilà, je vais vous présenter à chaque fois le groupe ou l'artiste qui les a composés. On va commencer par la toute première chanson, ça a été le tout premier inscrit du défi. Je crois que le soir même, le soir où on a lancé la communication, il s'est inscrit. C'est Zifsi. C'est un rappeur, il habite à Argenteuil, si je dis pas de bêtises, c'est ça, il habite à Argenteuil, et pourtant il parle bien gascon. Il nous a fait une chanson donc en gascon, il est tout seul. Vous pouvez aussi aller d'ailleurs voir sur sa chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Sur Instagram, il a fait une petite vidéo pour un petit peu raconter comment il avait composé ça. Donc ça, c'est assez intéressant à voir. Donc Zifsi nous a fait une chanson en occitan qui s'appelle « Tirat de Upusheu ». Et voilà, c'est parti, on écoute ça. Tirat, tirat, tout ce qu'il me disait « Upusheu, tirat ». Il a canzaudare din om misulet. E nu hue că su jurul me sa burit. O caup du piace că ea sang su cutet. Că e lung lucami. Da hunia premit se dabnat pergami. Nu smes mau bulenți cote venți tapati. Ca vrama bate stadin ca duma mati. Cu zveia mișa lus ca șaus. Hens la curida kine mbou trapasa. Hens lungi radu cu zvei ca rugani. Cu zbari viu tau pais de cucani. Nu presca i nusta. Fin de la corsă când Bautista lui gust. Il depută că-i pregat Santa Cruz. Bebesită că m-a per spectaculos. Tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, tirat, tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, tirat, tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, zic eu vrem camina, că eu am camina. Place su kem da talent katare. Kalinje ja me trejec ke se smalice. Berë ke se meja na mi plegadisa. Pe kem bau misha pe kadijes. Hembe zela stua smila maravilles. Kem da ta guajta shenc na da huelje de vinja. Ke vame ke turnam tre pasa la linja. Ke lu heri ma udare. Suli de ke zhunu m'krani ka pare. Beru zhina, beru zhina pregatashu. Sule ta ke sapsku me hem gaushu. Presque inusta, fin de la corsa când Bautista lui gust. Il depute că-i pregat Santa Cruz. Bebesita că m-a per spectaculos. Tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, tirat, tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat, tirat, tirat, tirat, tu-ți chem dizen după șeu. Tirat. Tina Deupuchou, c'est Zifsi avec sa chanson, je rappelle, composée en 48 heures. Moi, le 48 heures, il me l'a envoyé assez tôt, il me semble. Voilà, je vous rappelle aussi que toutes ces chansons qu'on va écouter sont disponibles sur YouTube. Vous tapez Ixo, I-X-O, Badoum 48, Badoum B-A-D-U-M 48, et vous trouverez, a priori, les 8 chansons qui ont été faites cette année, parce que, bah, voilà, a priori, ça va devenir annuel, ce truc-là, si ça marche. En tout cas, cette année, ça a marché. On va écouter une deuxième chanson. Voilà, je vous l'ai fait dans l'ordre d'arrivée, dans l'ordre d'envoi. Zilsi, c'était le premier à me renvoyer la chanson finie, même si on peut arguer que c'est cette chanson qu'on va écouter maintenant qui arrive en première, mais il y a eu d'autres versions. Donc, au fur et à mesure du dimanche, il m'a envoyé plusieurs versions, donc elle arrive un peu après. Et cette deuxième chanson, c'est une chanson de Poisson Rigide. Si ça vous dit quelque chose, cette petite sonorité, c'est normal. C'est parce que c'est, selon le chanteur même, une espèce de spin-off de Boisson Divine qu'on aime beaucoup ici sur Radio No Culture. Boisson Divine, donc, est un groupe de folk metal, un peu à tendance, un peu heavy metal, qui est dirigé par Baptiste Labène. Et puis, il l'a fait déjà il y a quoi, un peu moins d'un an, je crois, il y a 12 ans, ils avaient fait une blague, voilà, pour Poisson d'Avril. Ils avaient fait une blague en quoi ils commençaient à nouveau ce projet qui s'appelait Moisson Livide. Et qui était un side project black metal, et puis finalement quelques mois après il s'est dit pourquoi pas le faire, il a sorti une chanson, et là voilà le deuxième side project, deuxième projet parallèle donc de Boisson Divine qu'il a appelé Poisson Rigide, et qui est donc du hardcore avec toujours une petite touche folk metal, mais ça vous l'écouterez. Et c'est donc Baptiste Labène de Boisson Divine qui nous a composé ça et qui m'a envoyé ça a priori le samedi soir pour la première version. Et puis au fur et à mesure, c'est il manque un peu de Kessler, il manque un peu de ci, de ça. Et il m'a envoyé une Master V4 dimanche après-midi. Et on s'écoute ça. Baptiste Laben, donc, avec le side project de Boisson Divine qu'il a nommé très judicieusement Poisson Rigide. Voilà, du hardcore à l'américaine. Voilà, et pareil, il paraît que ça l'a beaucoup fait marrer de faire ça. En tout cas, c'est très réussi. On va nous passer à une troisième chanson avec Québec. Vous avez entendu donc il n'y a pas si longtemps, il y a quoi, un peu plus d'un mois ici, sur Radio Nos Cultures, puisqu'il était venu faire une petite interview. C'est à cette occasion que je lui avais parlé d'ailleurs de Madame 48 et qu'il était motivé pour participer. Et donc il nous a lui aussi sorti une chanson, un boom bap, que, comme il disait. Alors c'est vrai que moi je suis pas très calé en rap, mais là c'est plutôt voilà une espèce de rap plutôt année à dire fin 80 début 90, un truc un peu à l'ancienne. Et voilà, il nous l'a fait aussi en gascon et on écoute ça. Donc c'est la chanson s'appelle A65. Vous remarquerez que c'est la même route qu'emprunte Baptiste dans la chanson précédente. Québec avec A65. Direction la Brite, c'est toro step ma tique tiri kami. Prerashi santo sig du bau pas bezita e ras wes nos de katet. Pesa red ruba uti pa kanya geta bandera gris u era furgune toka ban sa utabi steki e piaci koto kalu nya patato puto auto. Suzera ruto, pes yo gario pet bei dioso no de tri bash era ruto ke ya shika do mes du bus pas despasa. E tu tu ke be era surti do numero tres parto dar banya. Ta trauka roca horte tu tru matches ke hei peta e traba de. Ta tare stamba tius petres de rani bau di grasi minja de du paski bau. Puse cupate paro sanglas pescai tu tu vitrinda respecte per abito da quero resto lucau mi dico ancestrau stupia mutua sa tu dera abitura ma presian tu sis dera tu coma tuera che concentrati di grebo voglio più che riro mi sei squadrin che danno io erde discoteco che tento te pude iueu che sei sbuhardo de pude iueu. Du la destrigo pas brigo e bizi tu mes besen beti cusi beten tu estu to era du lu. Eu arro e tu brut, e fraca taça da redeju. Mas a rede é machado, que eu fier que ele aberru. O cunas, que corrui. E nesse bec, tu te perbus. Que dana tá por del peru, salúcio zera grito. Tiro biológico, que tinte garra, era garrillo. E jeta ratará o de custat, dera barero. Como era hero, que escanto lutero. Que o ser de ser bete, de nem pas pito, beta pide. E ao do alto, que se arrestou pedem que vai hidre e curte de onde tu tá. Depois pas baixa, de sul de ambulato gigante. Pel caso os bugienos em banco da recunha. Chanzo e gundo mico, de base está. Sabe da terrestre, pipi dic de teste su mas. Que bem louco até a rudica se parou dic. E nunca prende pas, que de era rino. A tarde teta sorte de era crio. Enquanto encamados, que este põe mutir e sorte era abituro. Sa pressa o encurrin, dera cru coma duro. Espio e sujete. Eu engenheiro que pensa bem o boni deu e passo o copo de rio. Era bestio aterro que sempre te galero. Quando a ribota how e sluxa era o eu herero. E pure tá mobile tô mas dei pas dat hazan. Que é que cu a casca tô é meco de parçan. Arreno de rogar a lei e flique sem vá. Mas era garione pas aidado. Ir auto ruto que exemplei o xiga xiga de gado copo de peituros. A bem de ó é tipo de SUB que curtinho de tuta. Mas era rendo que saiu da risca era o eu herairo. Da videio tá mainados de pandas era 4-0, passo passo pra kill. E era bateria de paz infinito. A contrário de puture. Tirei su bem que é barril treinar. Pas bem estupa que era sua busca. E cozinho de gula. É preço pesante. Puxera noite. Mas a reapertar em sua saluna. E paz veio por dentro. Que era criar era na duro. Que bloco era abertura. E era na de mundo. Para buscar canticão. Que estio se pete dentro. Na notos que suena resta dos. Aqui o entra estruturo. Resultado de engenharia. E com o nome que politico. Que eu não vejo recorte, fleque da chuva, racha e santo sim. Québec avec A65. Voilà, je vous rappelle que toutes ces chansons ont été faites en moins de 48 heures avec le thème « Je suis le premier ou la première du plus long embouteillage du monde ». Ça, voilà, ils l'ont su le vendredi soir à 20h, le 1er mars, et ils m'ont rendu les chansons au plus tard à 20h, donc le 3 mars. On a 8 chansons à écouter, c'était la troisième. On va écouter notre première chanson en basque. C'est un groupe que je connaissais pas du tout, qui vient de Sar, si je dis pas de bêtises, c'est The Wokas. Et d'après leur petit post Instagram, c'était leur toute première chanson d'ailleurs qu'ils publient. Donc voilà, vous allez pouvoir découvrir avec nous The Wokas avec une chanson qui s'appelle Barek. Voilà, je voulais préciser que je n'ai pas moi retouché ensuite cette chanson, j'ai fait juste un niveau pour que toutes les chansons soient plus ou moins au même niveau, à l'exception d'une seule, ça on va en parler plus tard. Et voilà, on va écouter The Wokas, pareil, fait en moins de 48 heures avec le thème posé. Celle-ci est en basque, c'est la première en basque de Weekend. Ça là c'est dur. The Wokas avec Barek ou Bareka, je ne sais pas, le K est majuscule. Donc un groupe composé de Lucas Vald à la batterie et de Johan Segur que vous avez entendu à la voix et à la guitare. C'était leur toute première sortie et voilà, c'était dans Badung 48 le week-end dernier. Allez, on passe à la suite. Je vous rappelle qu'on n'est pas là pour analyser les chansons, qu'on fera ça la semaine prochaine avec quelques-uns des participants du défi. On va écouter maintenant une chanson un peu plus longue, toujours en basque, un peu plus de 6 minutes, avec Laparetan, qui, je crois, a fait sa première sortie, on va dire, studio. Ils avaient déjà sorti une vidéo d'une vingtaine de minutes qu'ils avaient enregistrée à la tanière, en mode live. Et il me semble que c'est la première fois qu'ils sortent quelque chose, mais peut-être que je dis des bêtises, on verra ça aussi la semaine prochaine. Sortia Ketalarden, 8h15, c'est la chanson qu'ils ont composée pour Badung 48. Je vous rappelle le thème de Badung 48 cette année. Je suis le premier ou la première du plus long embouteillage du monde. Et voilà ce qu'ils en ont fait. Sortia que t'as l'orden de l'apparétan pour le défi Badoum 48. Voilà, l'apparétan c'est qui? C'est Adrien Chanek à la guitare et à la voix, Shimunda Richon à la batterie, Johan Robert à la basse et Iñaki Kaznav à la guitare et à la voix. Et voilà, composé toujours en 48 heures. Voilà, ils s'étaient mis bien. Ils avaient tout préparé, parce que j'ai eu un peu avant le défi, c'était tout préparé. Il y a quelques photos, quelques vidéos aussi qui traînent sur Facebook et Instagram. Voilà, ils avaient cherché des micros, ils s'étaient installés avant le vendredi. Et puis comme ça, ils avaient le week-end tranquillou entre copains pour faire leur petit défi. Et voilà, je trouve que c'est quand même plutôt une réussite. C'était la cinquième chanson du week-end, on va passer à la sixième. Et là, bon, je dois vous avertir, c'est un peu plus difficile à écouter. Voilà, on a un peu de fausseté tout au long du morceau. C'est une chanson en gascon qui a été, on va dire, supervisée, mixée et plus ou moins arrangée par Sébastien Patznougès, que vous connaissez, puisque ben, c'est lui qui est souvent là à la boîte à gants, qui est parfois aussi là dans les interviews dans Silence. Et donc c'est lui qui a un petit peu géré le truc. Voilà, il voulait faire la batterie et la basse lui-même à la main, sauf que malheureusement, ben, 48 heures, il n'a pas eu le temps. Donc il a fait ça à midi. Avec lui, Mathilda, hier, Susbiel, que vous connaissez peut-être. Si vous êtes gascon, vous connaissez sûrement. C'est une poétesse, elle qui a écrit une partie des paroles et corrigé une autre partie. Hugues Carles, j'imagine, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer. Encore une fois, on demandera ça la semaine prochaine. Qui a donc joué de la boa, qui est on va dire, pour simplifier, une cornemuse gasconne, et qui a écrit, je crois, les paroles du refrain. Et puis Clément Merlet, qui est venu prêter main forte et qui a joué la guitare. Voilà. On va écouter ce groupe qui s'est appelé Choulette, volontairement mal écrit, parce que non, ça ne s'écrit pas comme ça, si jamais vous l'avez trouvé sur Internet. Et voilà, donc je vous préviens encore une fois, il y a un peu de fausseté tout le long, c'est parfois un peu difficile à écouter. Allez, c'est parti, Choulette, avec le morceau End Avant. Thank you. Shugat. Endawan. Mizukawana. Amit. Siamardit, Tauran Kumbat. Kim Kumes, to make Lungen Kumarmen in Munde, the Buddha and Lak, the Power Saram Gaskun, make his Munde use the Munde, and Dana, the last of the Bayona. Kim Kumes, to make Lungen Kumarmen in Munde, the Buddha and Lak, the Power Saram Gaskun, make his Munde use the Munde, and Dana, the last of the Bayona. Kim the Pipe. Era vista passa. No mundo que gira tem um desam. Cuse vai deixar de dentro da alta. Beba de chuta. Assim que canta. Que nos filmes tu me lunga em tu mãe no mundo. De boda ou em lá que tal essa ambiascuna. Mas que no meio do mundo. Em dar nasce as restos de baiona. Filmes tu me lunga en tu mano en el mundo, de boda o en la que trae esta ambas cuña, mes que es un medio de un mundo, en dana tras gestos de Bayona. Tito tu sen, en parte de la partida, lubras a la riesa, así que son, anem. Que tornem par ici, bon matí. Et son passage, vos petits amis tous. Que nous filmes, tu mets l'ongue en tombeur en un monde. De boda ou en la, que traversa en gascuna. Mais que nous meilleurs au monde, en carna, à la tête de Bayona. Choulette avec Endavant. Voilà, je ne l'ai pas précisé, mais Mathilda Yersisbiel qui a écrit une partie des paroles, c'est elle aussi la voix qu'on entend. Elle a un petit peu slamé, si je puis m'exprimer ainsi, sur cette chanson. Allez, on va continuer nous aussi en avant. On va écouter une dernière chanson en occitan. Cette fois-ci, on va écouter Lingui Pixie, je ne sais pas trop comment il faut le prononcer. C'est Maria Armentia, qui est aussi connue du monde occitanophone ou gasconophone, voilà, qui nous a composé ça de Talence, une chanson qu'elle voulait, très médiévale à la base. Elle voulait absolument parler, je crois, d'Aliénor d'Aquitaine, et puis elle a fini par réussir malgré le thème qui parlait d'embouteillage. Après, c'est vrai que dans le thème, il n'y a pas écrit embouteillage de voitures particulièrement, donc les embouteillages de chevaux, ça marche aussi. Elle appelait sa chanson Encombrament historico-tragique, et du coup voilà, celle-là je l'ai un petit peu retouchée, puisque donc Marie n'a pas a priori trop de compétences en technique sonore, donc je me suis permis de refaire un peu au niveau et d'ajouter un petit peu de réverb pour un petit peu pour avoir un petit côté encore un petit peu église, un petit peu médiéval, tout ça. Vous pouvez la suivre d'ailleurs aussi sur ses comptes, sur Instagram, sur Facebook, je suis pas sûr, mais sur Instagram, ça j'en suis certain, ou la plus différents comptes selon ce qu'elle a envie de dire. Et donc cette chanson là qu'on entend, à la base il devait avoir une espèce de petite intro un petit peu racontée, un petit peu jouée, théâtralisée, mais elle n'a pas eu le temps malheureusement d'envoyer cette partie à temps, donc pour l'instant, on n'aura que la chanson, mais vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux pour voir le reste. Lingui Pixie avec Encombrament historico-tragique. L'ouvelo escaperat, le monde francas a cruzat. À un moment, la reine qu'a dit Bienita be Hardit, Hardit. Que bien d'ap toutos sas amigas, d'un calentum tout carumiga, que cau porta pelios e cujas, en quet pais un he tan guha. Palin, palan, d'arrêt la reine douce France, la croutzade, qu'est-ce passé, je perds Sarade. Palin, palan, nous a quittas au par la franc, tirant d'aban qu'enam par terre. Et je chante comme un trouvère. Palin, palan, d'ar et la reine douce France. La croutzade, qu'est-ce passé, je perds Sarade. Palin, palan, nous a quittas au par la franc, tirant d'aban qu'enam par terre. Et je compose comme une trouvère. Azoumé paus à Constantinople, l'ouréna y met pas à quitte poplé. Arunken contrem l'ou Conrad, qu'épouse turcs est tout attaquat. Ar abensam tout douce, peru estret hor hasard douce. Nous kawana tout douce au même, pour éviter un guet-apens. Palin, palan, d'arre la reine douce France, la croutzade, qui se passait, je perds Sarade. Palin, palan, nous a quittas au par la franc, tirant d'aban qu'enam par terre, et je compose comme une trouvère. Atreci comme l'omi la patos, entre garox comme alicatas, en ta sauva mon bon vési, la terra senta vai conquesi. Nous a quittas quem hor grandius, indépendance et courageuse, et nous presse des visites, Antioque, Oreia ou Moutita. Demain, bourride, galope, vitesse préférée, ahum des caillaux, ahum, ahum des caillaux, hardit, hardit, ta respune au combit, des l'oncle Raimond, du troubadour, l'ou qu'il s'égout. Demain, bourride, galope, vitesse préférée, ahum des caillaux, ahum, ahum des caillaux, hardit, hardit, ta respune au combit, des l'oncle Raimond, du troubadour, l'ou qu'il s'égout. Hadit, hadit, ta respune au kumbita, hum de kayao, hum hum de kayao. Hadit, hadit, ta respune au kumbita, hum de kayao, hum hum de kayao. Hum de kayao, hum hum de kayao. Hum de kayao, hum hum de kayao. Lingue Pixie avec un comprement historico-tragique, donc c'est Marie Armentia, pour ceux qui la connaissent, qui nous a fait cette chanson que je qualifierais personnellement de médiévale, mais après c'est à vous de choisir ce que c'est. Voilà, elle s'est remise spécialement pour Badoum 48, il me semble, à la lyre, parce que c'est une lyre qu'on entend, une harpe lyre je crois pour être précis, mais peut-être que je dis des bêtises. On va écouter une dernière chanson, je vous rappelle que toutes ces chansons-là sont disponibles sur YouTube. Vous tapez Ixo, I-X-O, Badoum 48 et vous trouverez donc ces 8 chansons composées en 48 heures seulement le week-end dernier. Selon le thème, je suis le premier ou la première du plus long embouteillage du monde. Voilà, 8 chansons qui ont été composées, 8 chansons très différentes comme vous pouvez l'entendre. Et on va peut-être finir avec la plus étrange, puisque c'est Anissé qui nous l'a composée. Anissé qui vient d'ailleurs, que vous connaissez peut-être sous d'autres noms, mais je ne suis pas sûr d'avoir le droit de le dire. Et qui nous a fait ça samedi après-midi. Il n'a pas beaucoup de temps parce qu'il a quand même beaucoup de projets. Il m'a raconté qu'il avait énormément de projets. Il a quand même voulu participer à Badoum 48 et nous a sorti une chanson assez expérimentale. Voilà, quand il s'inscrit, il a marqué qu'il jouait du tuba et j'étais un petit peu étonné parce que bon, il est connu quand même pour être un très bon musicien plutôt dans le domaine de l'électro. Et là, il a décidé de faire quelque chose d'effectivement très, très simple. Il n'y a pas de parole. C'est une chanson qu'il qualifie lui-même d'expérimentale et qui donc est à base de tuba. Il y a quelques percus par-ci par-là. Mais vous allez voir que c'est quand même très, très minimaliste. Et c'est très bien vu. Pour le coup, ça colle vraiment au thème. Je suis le premier, pour le coup, dans son cas, du plus long embouteillage du monde. Et voilà, il a réussi à mettre ça en musique, sans parole. On écoute ça. Toutac de Anissé, c'est la dernière chanson qu'on va écouter aujourd'hui. C'était la dernière chanson qui a été envoyée pour Badoum 48. Je vous rappelle que c'est un défi qui, espérons-le, va devenir annuel autour de début mars, comme ça c'est pas mal. Le but c'était de composer une chanson en 48 heures, soit en basque, soit en occitan, selon le thème qu'on leur avait imposé. Et le thème cette année c'était « Je suis le premier ou la première du plus long embouteillage du monde ». Et voilà, 8 chansons très différentes, du rap, du punk hardcore, du métal, de la chanson médiévale, de chanson expérimentale. Il y avait un peu de tout, c'était vraiment cool. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ces petites chansons. Vous pouvez les retrouver sur YouTube en tapant Isho Badoum 48. Et voilà, il y a les 8 chansons, vous allez voir, le visuel est plus ou moins le même en changeant la couleur pour chacun. C'est un rang de couleurs sur fond blanc en gros, et voilà, et moi je vais vous laisser sur ça. Je vous dis quand même à la semaine prochaine, puisqu'on va continuer à parler de Badoum 48, cette fois-ci avec des invités, avec des gens qui ont participé. Je vais essayer d'avoir des petites interviews de quelques-uns pour avoir un petit peu pour voir comment ça s'est passé pour eux. Et puis on aura sur notre plateau, dans notre studio, quelques personnes qui ont participé à l'émission. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup de nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à écouter nos émissions ou nous écouter en direct sur radionoculture.wordpress.com. Les émissions sont aussi en replay sur Spotify. Écrivez-nous à radionoculture@gmail.com. Et j'ai failli oublier, mais ce week-end aussi, il se passe encore des choses sur Radionoculture. Tout le week-end, on sera en direct depuis Anglet pour la 3e étape du championnat de roller derby. de France, c'est en zone 4 si je dis pas de bêtises, et voilà, on aura 9 matchs ce week-end qu'on commentera en direct avec, avec Seb, avec JC, avec Bichente un petit peu, qui sera là, qui a des choses à faire le week-end, mais qui sera là samedi matin et dimanche, dimanche soir. Voilà, moi je vous laisse, c'était La Pochette, et je vous dis à la semaine prochaine pour reparler de Badum 48, cette fois-ci dans une émission qui risque d'être, d'être un peu plus longue, un peu plus fouillée, puisqu'on aura les membres, des membres, des gens qui ont participé sur place dans le studio. Allez, salut !